Page 61. Activité 6. Piste 52. A. Marc est grand. Marc et Luc sont grands. B. Aline est jolie. Aline et Nicole sont jolies. C. Hugo est petit. Alice est petite. Ils sont petits.